société. La milice a pas fait mes ans. Tout maintenant j'ai trop jeté. Je balance pas, j'ai très mauvais. Je m'effacerai quand tu seras tu. Je m'en irai quand tout sera vu. Je te laisserai une fois revu. Ha ha ha ha. Trois six tatoués sur ta peau. L'église plantée du bourreau. Trois six tatoués sur ton dos. Le couteau ciselé du bourreau. Trois six marqués sur la peau. Ta tête tranchée sur le bio. Chant du bourreau. Je trouve, je tue. Le boulot sans info. Voilà. Je trouve, je tue. Je m'annonce pas, je tue ma vie. Je m'effacerai quand tu seras tu. Je m'en irai quand tout sera vu. Je te laisserai une fois revu. Trois six tatoués sur ta peau. Les grilles plantées du bourreau. Trois six tatoués sur ton dos. Le couteau ciselé du bourreau.